bienvenue à cette conférence. Je suis Annie Poisson, écrivain et femme d'affaires. Il y a probablement parmi vous des individus qui sont tannés de regarder les nouvelles puis de voir des humains se faire charcuter au Rwanda, de voir qu'il y a des émeutes après la Coupe Stanley, de voir qu'il faut attendre au moins 3 heures à l'urgence. C'est logique, le mot le dit, attendre à l'urgence. De voir vos enfants se suicider. De voir les politiciens qui vous mentent en pleine face, puis les journalistes nous rapportent ça, puis tout est tout à fait normal. De voir que sur cette planète, le contrat, c'est qu'on est, puis ce qu'on peut espérer, c'est au mieux, là, mettre au boulot de dos. En plus, quand on est, en naissant, le contrat, c'est qu'on va mourir. Puis ce qu'on peut espérer de mieux, c'est de mourir à un âge avancé. Puis on n'a pas de garantie entre ça, entre l'âge avancé et puis la naissance. On peut mourir n'importe quand. On peut avoir un accident. Si on ne meurt pas, on peut être handicapé. Si ce n'est pas nous autres, ça peut arriver à nos proches. Sinon, on peut devenir malade. Même si on prend soin de nous, on peut avoir le sida, on peut avoir le cancer. Moi, je trouve que ça n'a pas d'allure. Moi, une planète où ces choses-là se passent, ce n'est pas ma planète. Puis en ce moment, moi, je ne vis pas à la bonne époque. Je ne suis pas dans le bon temps. Puis je fais partie d'un groupe d'individus qui sont comme moi, qui eux aussi ne sont pas dans le bon temps. C'est le groupe des chefs. Alors, si vous aussi, vous trouvez que l'énumération que j'ai faite, ça n'a pas d'allure, si vous vibrez à ce que je viens de dire, et c'est que vous aussi, vous n'êtes pas dans le bon temps, et nos conférences s'adressent à vous. Le titre de la conférence de ce soir, c'est « Quelle sera la prochaine révolution? » Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Oui, effectivement, avec ce que tu viens de dire là, il faudrait changer de planète. Il faudrait qu'on se le répète parce qu'on l'oublie. Bon, on l'oublie, ça dépend. Moi, je ne l'oublie jamais là, parce que je m'amuse souvent à changer de monde et aller fouiller un peu là-bas, sauf que le corps physique n'est pas encore capable de suivre, mais il suit de plus en plus. Pour les personnes qui sont ici pour la première fois ou qui ne viennent pas souvent, c'est important de comprendre que ce que je dis ce soir ou ce que les autres personnes vont dire aussi, ce n'est pas de l'autorité suprême, c'est-à-dire que ça s'adresse à un type de conscience, ça s'adresse à des personnes qui sont capables de supporter ou d'absorber différentes visions nouvelles ou différentes visions du monde. Et ça s'adresse aussi, comme d'ailleurs Annie le disait, à des individus, à des personnes qui ont une caractéristique assez particulière, c'est que quelque part dans le temps, elles se sont perdues. Et ce qui est d'ailleurs mon cas, c'est le cas de quelques autres que je connais bien, et ce qui est le cas de plusieurs personnes aussi sur la planète. Et depuis que je fais des conférences, depuis 1984, mon seul objectif lorsque je fais des conférences, c'est de me faire connaître pour retrouver, rencontrer des individus qui sont à peu près dans le même état. Parce qu'il y a plusieurs choses que je sais faire, que je sais comment faire, que je sais que l'on doit faire pour être capable justement de glisser à travers le continuum pour retrouver son temps. Et puis la conférence de ce soir qui porte sur la plus grande révolution ou la prochaine grande révolution, quelque chose comme ça, va justement porter sur ce qui, dans les années à venir, va créer un choc absolument, un choc relativement invraisemblable aux religions, à l'ésotérisme, à la philosophie, à la psychologie et à la science, bref, à l'humain dans sa globalité. Et c'est justement cette découverte de l'illusion qu'est le temps et la découverte de la mécanicité temporelle pour finalement être capable de contrôler les déplacements transtemporels. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde dans ce chronotope-ci, un chronotope, c'est un lieu temporel précis. Si on regarde dans ce chronotope-ci, ainsi que dans toutes les lignées qui sont rattachées dans ce que l'humain appelle le passé, c'est une autre adresse temporelle, mais on se rend compte que dans la science-fiction, tous les écrivains de science-fiction, 100% de ce que les écrivains, enfin presque 100% de ce que les écrivains de science-fiction ont écrit dans le passé, c'est avéré vrai, à travers le temps, dans le futur. Que ce soit Jules Verne avec ses sous-marins, avec ses scaphandres autonomes inventés par la suite par Cousteau, que ce soit encore Jules Verne avec son voyage sur la Lune, que ce soit Tintin et Hergé avec ses voyages sur la Lune, que ce soit Buck Rogers, que ce soit plein, on en a plein. Dès 1900 quelques, on parlait de laser comme arme. Aujourd'hui, ça fait partie de la réalité. Les lasers ne sont pas encore aussi puissants, mais la science-fiction a toujours eu tendance à prévoir des choses. Évidemment, il faut colorer. Bon, Jules Verne, il lançait un obus sur la Lune. Il lançait ça à partir de la pointe, d'une des pointes de la Floride. N'empêche que les premières fusées Apollo sont parties de la Floride, mais ce n'était pas un obus. Alors, évidemment, il y a des ajustements temporels, c'est-à-dire que l'individu semble avoir la capacité de lire dans une autre adresse temporelle que lui-même appelle le futur. Michel de Nostradamus a fait la même chose, Nostradamus. La légende dit qu'il aurait reçu une longue vue qui lui permettait de voir dans le futur, donc voir à travers les chronotopes. Dans les romans de science-fiction, on parle aussi de voyage dans le temps. On a parlé aussi d'extraterrestres, on en rencontre, on a parlé de plein de choses, mais on a parlé aussi de voyage dans le temps. Parmi les premiers romans de science-fiction, on parlait de voyage dans le temps, eh bien, il y en a eu un, il y a eu un film qui a été fait dès 1930, et puis le film a été refait par la suite, et on a un personnage avec des machines, évidemment, qui voyagent dans le temps. Il y a eu Henri Vernès, connu sous le nom d'Henri Verne, avec ses romans Bob Moran, qui a aussi, avec le professeur Clément Barre, parlé, fait des voyages dans le temps à travers des machines. Et d'ailleurs, dans son dernier voyage dans le temps, qui était Les chasseurs de dinosaures, ils sont perdus dans le temps et ce sont des êtres qui viennent du futur, qui voyagent présentement dans l'époque préhistorique pour comprendre pourquoi les dinosaures sont exterminés, qui vont les ramener ici. Bon. Et on a régulièrement, dernièrement, ça a été Retour vers le futur, et on en a comme ça. Patrouille du cosmos ont voyagé dans le temps, évidemment, sont venus dans un des films Retour vers la Terre, sont venus carrément en 1985. Dans les grands bouleversements, dans les grandes révolutions prochaines, ça va être la découverte plus consistante. Les astrophysiciens sont prêts de comprendre la mécanique, de se rendre compte finalement que la majorité des invraisemblabilités qui se retrouvent sur la planète Terre sont facilement explicables lorsqu'on comprend la mécanique du temps. Alors, on va en parler. Bien, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse le point sur les révolutions qu'il y a déjà eues sur la planète. Bien, c'est sûr que ça recule à peu près jusqu'à 2000 ans, mais pour nous donner une idée, il y a eu différentes révolutions, tant politiques, sociales, économiques qu'individuelles. Alors, il y a eu les premiers chrétiens suite au passage nazaréen, la Révolution française en 1789. Il y a eu tout le mouvement communiste avec Mao, Lénine, Staline. Il y a eu ce que nous, on a connu, les pays avec mai 68, ce que ça a porté comme révolution. Dernièrement, le mur de Berlin. La Révolution tranquille ici au Québec, la révolution industrielle dans les pays industrialisés, justement, qui le sont devenus par après, les mouvements des sciences avec Pasteur, les nouvelles médecines, les nouvelles sciences qu'il a apportées. Ensuite, plus loin, découverte de l'Amérique, découverte aussi que la Terre était ronde, ce qui à l'époque était assez révolutionnaire. Et plus près de nous maintenant, il y a eu l'ère des communications, la technologie, et on arrive maintenant, on parle d'autoroute des communications, on parlait de ça cette semaine dans la presse. On vit beaucoup aussi au niveau social, les médecines douces et les mouvements de croissance personnelle. Il y a eu, plus individuellement parlant, il y a eu le Nazaréen qui a commencé, bon, il a parlé de lui de, pas du supramental, mais il a parlé d'énergie, je ne me souviens plus comment il disait ça exactement, de l'Esprit Saint, bon, c'est ça. Ensuite, Aurobindo en a parlé sous la forme de supramental, ça s'est approché de nous avec Krishnamurti, avec Bernard de Montréal, Daniel, bon. Dans toutes ces révolutions-là, qui sont très différentes, il y a eu des constantes, c'est-à-dire que souvent, ça s'est passé d'une façon très rapide. Il y a eu une gestation, et tout d'un coup, bang, un coup qui fait que il y a un bouleversement. Alors, on vient de parler du temps. Est-ce que la constance, c'est que les personnes qui amenaient ces bouleversements-là, ces changements-là, ces révolutions-là, finalement, étaient pas dans le bon chronotope, puis amenaient un peu la planète avec eux, faisaient changer les choses, amenaient plus près de leur temps à eux? Est-ce que ça pourrait être une explication? Oui et non. Bon, alors ici, j'ai dessiné quelque chose. Je vais essayer de vous représenter un peu ce que tu viens de dire là. On va en reparler. On a des personnages extraordinaires à un moment donné qui vont venir. Prenons l'exemple de la grande âme. Tu connais? Oui. C'est qui? Mahatma Gandhi. Voilà. Le Mahatma, la grande âme. Alors, le Mahatma Gandhi, c'est bien. Non, mais quelqu'un qui était spirituel comme toi devait au moins connaître le Mahatma Gandhi. Le Mahatma Gandhi a-t-il révolutionné l'Inde? Ben oui. Ben, en tout cas, oui, parce que son passage a laissé des traces, sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont mieux pour ça? Je ne sais pas. Non. Donc, le Mahatma Gandhi n'a pas révolutionné l'Inde. Mais si on regarde le Nazaréen, Jésus-Christ. Oui, mais il n'y a rien changé non plus. Il y a une religion complète qui est partie par la suite. Et, les conquêtes planétaires se sont faites sous l'égide des jésuites, entre autres, du point de vue de l'Europe. Les jésuites ont amené le commerce. Ensuite, il y a eu les croisades, il y a eu les templiers qui ont été les premiers inventeurs des chèques de voyage, etc. Ouais. Le Nazaréen a bouleversé des choses. Si on regarde, par exemple, Mahomet, est-ce que Mahomet a bouleversé des choses? Oui, parce que Mahomet qui finalement, apparemment, aurait rencontré les mêmes personnages que le Nazaréen, devient le plus grand concurrent de l'Église du Nazaréen. Mm-hmm. Bon, sinon, nomme-moi-en quelques autres. Ben, il y a eu, les Juifs, c'est pas, il n'y a pas eu de Messie comme tel, mais il y a eu un mouvement très important dans tout. Mais Moïse, d'accord. Oh, bon, Issa de Gandhi, on va mettre Aurobindo, on va mettre Krishnamurti. Bon, il y a eu la Révolution française quelque part à un moment donné. On parle de quelques révolutions, alors bon. Ce qui est intéressant, c'est que pour plusieurs individus, ils ont connu le Nazaréen. Et les Juifs sont restés Juifs, il y a eu des chrétiens, etc., puis ils ont continué à avancer vers le futur. OK? Là, je vous donne un exemple ici d'évolution vers le futur. Et les individus qui n'ont jamais connu le Nazaréen, alors là, jamais, et ils ont connu Mahomet. Et ils ont continué à avancer vers le futur avec Mahomet. OK? Et ça, ce sont des présents. C'est la réalité. Et actuellement, si on prend, par exemple, ici, une date, 1994, ben, on a en 1994 des gens qui n'ont jamais entendu parler de Mahomet et que tu ne peux pas voir parce que toi, tu as entendu parler de Mahomet. Et on a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Nazaréen, qui sont dans la religion musulmane, une religion musulmane plus universelle, l'aide de Maître Saint-Félix-Tableau, et qui n'ont jamais entendu parler du Nazaréen. Jamais. Maintenant, il y a des individus qui vont vivre et puis qui, à un moment donné, vont traverser la Révolution française, qui vont continuer à vivre leur futur suite à la Révolution française. En 1994, ces individus-là ne connaissent pas le Nazaréen, n'en ont jamais entendu parler, il n'y a rien dans leur livre, et ils ne connaissent pas Mahomet non plus. Mais il y a aussi des individus, des bizarres d'individus, qui ont une tendance à glisser latéralement d'un chronotope à l'autre dans le continuum. Le continuum, c'est la création. Alors, il y a des individus qui connaissent le Nazaréen, et en avançant vers leur futur, glissent latéralement et vont connaître Mahomet. Ils vont glisser latéralement et vont connaître la Révolution française. Vont glisser latéralement, ils vont connaître le Mahatma Gandhi. Mais les gens qui ont connu le Mahatma Gandhi, qui ne glissent pas, vont continuer, par exemple, ici, les gens, notre peuple, à nous, qui glissons latéralement, on connaît le Mahatma Gandhi, on va continuer, on va découvrir Aurobindo. Les individus comme le Mahatma Gandhi, par exemple, si nous on dit, après son passage, c'est rien passé, probablement parce que tout ce qui s'est passé après son passage, nous, on n'est pas passé là-dedans. Donc, on peut dire, il est passé pour rien. Il n'est pas passé pour rien. Nous, on l'a connu parce que probablement que dans notre histoire, nos ancêtres, quelqu'un est passé à travers un chronotope où vivait le Mahatma Gandhi avec sa révolution. Il a rejeté les Anglais, il a mis la paix entre les musulmans, puis les Sikhs. Et puis, finalement, ça continue. Puis nous, subitement, ben, les choses semblent revenir comme si monsieur n'avait pas passé par là ou n'avait pas existé. Et on continue comme ça jusqu'à Krishnamurti, puis on continue. Il y a des individus qui avancent vers le futur en glissant latéralement dans le continuum. Il y en a d'autres qui avancent d'une façon, disons, plus linéaire, plus ligne droite. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que en glissant latéralement dans le continuum, ce qui est la majorité des individus qui présentement habitent la même planète que moi, OK, donc les gens qui sont ici, puis les gens qu'on voit au Rwanda mourir, puis les gens qui sont partout sur la planète Terre, mais en glissant comme ça dans le continuum, ça crée des... C'est perceptible, notre glissement dans le continuum. En théorie, on devrait dire, si on glisse comme ça, il devrait y avoir des façons de le détecter. Les façons de le détecter, c'est que tu es dans un continuum, on va dire par exemple ici, où toute cette mécanique-là ici, tout ce temps-là complet jusqu'ici, inclut par exemple, à travers différentes mécaniques, la Deuxième Guerre mondiale, inclut la construction du mur de Berlin, et sa consolidation vers le futur. Parce que nous glissons dans le continuum, ben à un moment donné, on touche un chronotope où le mur de Berlin, c'est pas aussi solide. Et on glisse, puis on touche un chronotope où le mur de Berlin et n'existe presque pas. Et on touche un chronotope où il n'existe pas. Et nécessairement, dans notre mémoire et dans notre historique d'évolution, on a eu un mur de Berlin, mais subitement, il se défait, pas comme prévu. On ne peut pas contrôler, les politiciens ne peuvent pas contrôler et son maintien et sa destruction, parce que ceux qui glissent latéralement à travers le continuum sont assujettis à une loi qu'on appelle le hasard actuellement, mais beaucoup plus puissante que le hasard ici. Les prophètes ont prophétisé, et ce qu'ils ont prophétisé arrive. Et pour nous autres qui glissons latéralement dans le continuum, peut-être 3, 4, 10% des prophéties semblent arriver, Les autres arrivent presque, démantelés un petit peu, puis les autres n'arrivent jamais. Mais nous, on glisse latéralement, ce qui fait qu'on fuit, on change sans arrêt de chronotype, ce qui fait qu'on ne peut pas être dedans. OK, pour voir si on suit bien, là, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a connu le Nazaréen, puis ne s'est pas mis à glisser dans un chronotype différent, pour lui, ça a changé tout son monde, même en 94. Même chose pour Marie. Il a été sauvé par le Nazaréen. OK. Ça veut dire que, prendre l'exemple du mur de Berlin, ça veut dire que pour nous, il est démoli, puis pour d'autres, dans d'autres chronotopes ou d'autres adresses temporelles, le mur de Berlin est encore là, puis on pourrait dire le communisme est encore plus puissant qu'il l'était avant la destruction du mur. Bon. Nostradamus, en regardant dans le futur, prévoit que il va y avoir une troisième guerre mondiale. Il prévoit que, par après, pendant cette troisième guerre mondiale, l'URSS va être démantelée. Et les Russes vont s'associer aux États-Unis d'Amérique pour éliminer l'ennemi majeur. Mais notre URSS est déjà démoli. Le communisme est déjà en train de planter. On n'a toujours pas eu de troisième guerre mondiale. Alors, dans une certaine vision linéaire de l'écoulement du temps, on va dire qu'on reporte dans le futur, on crée une élasticité temporelle. On est capable, par notre conscientisation, par les découvertes de l'humanité, par des individus qui ont de l'allure sur la planète Terre, de reporter dans le temps. Sauf que si tu comprends la mécanique du temps, tu te rends compte que tu ne reportes pas dans le temps. Tu y échappes. C'est ça. Alors, il va arriver à un moment donné qu'une personne a une maladie, et cette maladie, elle guérit subitement, et les médecins ne comprennent pas. Dans le chronotope où la personne a glissé, elle n'est pas malade. Le glissement chronotopique, la maladie s'en va, et elle est guérie. Et les médicaments, normalement, vont guérir une quantité d'individus, et les mêmes foutus médicaments sont inefficaces sur d'autres individus. Bien, il y en a qui vont glisser à travers le chronotope grâce aux médicaments, ou grâce à parce qu'ils vont y croire, ou etc. Donc, le fait juste d'y croire, c'est déjà un très grand indice de déplacement temporel. Mais il y en a d'autres sur qui ça ne fonctionne pas. Mais c'est quoi la différence entre un individu qui glisse pas et un individu qui glisse? Comment c'est perceptible quand on regarde les deux individus? Tu peux pas le voir comme ça. Une chose certaine, c'est que ça se voit pas. Vu que nos glissements, présentement, sont des glissettes, tout petits glissements, tu peux pas le percevoir comme ça. Par contre, si tu regardes à travers l'histoire, puis si par la suite on se met à regarder tout ce qui fait partie de notre bagage historique, socio-historique. Alors, on peut parler de comment ça se fait qu'on découvre des os de dinosaures là où avant on creusait puis il n'y en avait pas. On peut parler de la médecine, de notre médecine. On peut parler de tellement de choses. Nous, on peut prendre notre histoire. Puis là, quand tu commences à essayer de comprendre l'histoire, si tu comprends la mécanique de ce que c'est le temps, bien, subitement, tout devient clair, limpide, c'est tout explicable. Les miracles deviennent explicables, glissement rapide d'un chronotope à l'autre. Alors, c'est évident qu'il y a des... Puis là, il faut comprendre ce que c'est, par exemple, un homochrone, des termes comme ça, là. Mais asseyez-vous, vous allez voir si ça va bien passer. Un homochrone, au moins, vous savez ce que ça veut dire. L'homme. C'est quoi un homo? Ça dépend dans quel chronotope. Ça veut dire semblable. Donc un homo, c'est un semblable. OK. OK? Ah, tu pensais à homosexuel? Non, je pensais à homo sapiens. Sexualité semblable. Je pensais à homo sapiens. Non, c'est pas pareil. Là, c'est un autre radical qui veut dire hominidé. Homme. Homo-chrone. Chrone, c'est le temps. Homo, c'est semblable. Actuellement, puis ça fait partie des concepts, on parle de révolution, ce qui va révolutionner totalement la philosophie, les religions, l'occultisme, l'ésotérisme, tout, c'est la compréhension de certaines des mécaniques du temps. Un homochrone, c'est un temps semblable. Mais un temps semblable, il faut comprendre qu'actuellement, il y a, et on parle d'illusion, les ancêtres ont dit des choses, ils m'ont dit tout est illusion. Oui, c'est vrai. Mais savez-vous que présentement, vous êtes assis sur des images? Et ces images-là peuvent changer. Et si quelqu'un arrive à la faire changer, ça va être un tour de magie, ça va être un magicien, ça va être un sorcier, ça va être un miracle, ça va être des choses du genre. L'être humain, quand il rêve, quand il dort, voyage plus facilement à travers différents homochromes, donc à travers différents chronotopes. Un homochrome, c'est un temps semblable. Un temps semblable, ça veut dire que tout est identique à ce qu'il y a ici, sauf que le rideau, il est légèrement reculé. Vous voyez? Je ne peux pas aller dans ce homochrone-là. Alors, il n'est pas reculé, lui. Bon. Mais comprenez-le. Dans un autre homochrone, légèrement à côté, Le rideau, il est un micron, un atome, un espace d'atome plus par en arrière. Puis dans, alors, un homochrome, c'est un temps semblable. Ça veut dire que je peux avoir exactement la même mère, le même père, les mêmes amis, la même situation professionnelle, exactement les mêmes choses, mais pas de carie. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que je peux, par différentes mécaniques, si elles sont contrôlées, faire apparaître mes dents, faire repousser mes dents. Mais rien n'a paru. Mais est-ce que tu peux... Je fais juste glisser dans un homochrome, alors le reste semblable, mais il y a des choses qui vont paraître. Mais est-ce que tu peux continuer à fréquenter, par exemple, ta mère pour qui c'est impossible que des dents repoussent? La mère, dans l'homochrome où mes dents vont être là, va aussi progressivement être capable de s'adapter. Parce que ma mère existe dans tous les homochrones, puis moi, je vais lentement m'en aller dans un homochrone où mon corps a toutes ses dents. Mais tu changes de mère, qui est... Change de mère, mais je ne le sais pas. Finalement. Mais elle te connaît, elle t'a mis au monde, elle se rappelle de 100% tout ce qu'elle a à se rappeler. Mais il y a à peu près 1000 mères qui existent. Ah, pas peu. Il y a 1000 homochrones, mais comme il y en a une infinité dans le sens, une infinité. Okay? Pas dans le sens infiniment ou astronomiquement. Je parle d'infini. Okay? Il y en a, il y a tout. Bon. Alors, effectivement, tu changes de mère. Tu le dis, en le disant comme ça, c'est plus difficile à supporter. Mais c'est vrai. Ben moi, ce que je vois à l'image... D'un point de vue, c'est vrai. Ça serait plutôt... C'est comme s'il y a une infinité de corps. Moi, par exemple. Puis ta conscience s'en va dans l'autre. Exactement, c'est vrai. Il y en a des malades, il y en a des fatigués... Il y en a des malades, il y en a des fatigués, il y en a des en santé, il y en a des plus jeunes. Mais pourtant, on est à un carrefour, là. Parce que moi, une journée, je regarde les nouvelles, puis là, il existe l'espèce de bibitte mangeuse de chair, je ne sais trop quoi, là. Oui, je me sens. Oui, je me sens en plein film de Stephen King, parce que les Stephen King, c'est des films d'horreur, puis ça commence comme ça, tu regardes les nouvelles, puis une écœurantrie aux nouvelles. Le lendemain, c'est les mois qui se mobilisent pour la paix. Donc, moi, je ne suis pas fixée, là, dans... Présentement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... si on regarde au niveau des conférences, puis c'est bizarre, mais en tout cas, si vous venez encore quelques fois, vous allez finir par vous y faire. Étant donné que, par exemple, toi, moi, etc., nous, on ne fait pas juste glisser sur l'élan, comme la planète, mais qu'on a des outils pour glisser plus vite et qu'on a des mécaniques hydrauliques pour nous ramener plus vite. Alors, on glisse, puis on revient. Puis on glisse, on reste encore en diagonale, OK? Mais de temps en temps, vous allez changer beaucoup, beaucoup plus. On glisse, là, d'un homochrone plus différent. Puis effectivement, les choses sont mieux. Puis subitement, ben là, tu reviens lentement dans un homochrone qui est linéaire avec ce que tu avais avant. Alors, ceux qui parlaient de paix, subitement, se cassent la gueule. Et puis, à un moment donné, ben là, ils reparlent de paix. Mais tous ces homochrones-là existent, ce qui fait que s'ils reparlent de paix, ils savent qu'ils se sont cassés la gueule. Mais si tu étais resté dans l'autre, ils ne se seraient jamais cassés la gueule, eux autres. OK? OK. Donc, alors, c'est pas eux qui changent de chronotope, c'est nous qui changeons. Tout le monde change, sauf que la majorité change de chronotope vers une adresse temporelle que les gens appellent le futur. Le futur, c'est un chronotope qui est similaire, mais qui on place, disons, dans un déplacement linéaire, disons, vers l'avant. Et dans ce déplacement linéaire vers l'avant, qui est le plus facile, probablement, parce que c'est celui-là qu'on utilise, à part certains, cette planète qui utilise un déplacement latéral, pas tout le monde, parce qu'on en traverse. Il y a des gens qui subitement nous découvrent, puis qui, 3 ans après, nous oublient. Bon, on traverse des choses. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le déplacement génétique, le corps physique et le véhicule pour qui maintient la conscience et qui se déplace dans le temps, bien lui, sa façon de se déplacer dans le temps, c'est vers un chronotope où il n'existe plus. Et vers un chronotope où il vieillit. Alors que scientifiquement, on a depuis longtemps, on a essayé de comprendre le foutu vieillissement, et c'est inexplicable. Les cellules retirées du corps humain dans des milieux de culture peuvent vivre éternellement. Ça se divise, etc. L'idée, par exemple, qu'un homme de 82 ans qui a une relation sexuelle avec une femme va avoir un enfant, puis l'enfant, il est flambant neuf. Pourtant, l'enfant, il vient des cellules de deux personnes qui ont peut-être 40, même 50 ans pour une femme. Bon, elle n'est pas une ménopausée, elle n'aura pas de mongole, ça arrive. Alors, on a deux personnes théoriquement âgées qui sont capables d'engendrer un bébé qui est flambant neuf, puis qui ne vieillira pas demain matin. Il va suivre la courbe normale. Alors, et ça, la science n'explique pas, elle décrit les choses. Bon, on a une maladie qui existe actuellement qui fait en sorte que des enfants vieillissent trop vite. Alors, on a des enfants qui, à l'âge de 9 ou 10 ans, meurent à l'âge physique, biologique de 75, 80, 90 ans. Et ils ont le cœur usé, le foie usé, tout le corps est usé, la peau est usée, ils ont flétri, ont perdu leurs cheveux bien avant moi. Et ils meurent. Et c'est une maladie qui est effectivement le syndrome du vieillissement accéléré. Et ça, ça confronte les médecins à se rendre compte, à devoir admettre que le vieillissement ne fait pas partie de la nature. Mais on le constate tout le temps, mais on ne l'explique pas. Il y a des chronotopes où tu es déjà vieux. Il y a des personnes qui sont jeunes. En deux ans, ils regagnent, ils reprennent le temps qu'ils les vieillissent. Ben oui, parce qu'à un moment donné, quelque part, avec les consciences collectives, ils vont glisser dans un chronotope pour s'ajuster à la mode. Mais est-ce que ça existe, le vieillissement? Non. En réalité, tu changes dans un corps qui est un peu plus vieux, tu changes dans un corps qui est un peu plus vieux, tu changes dans un corps qui est un peu plus vieux, et tu changes. Et ça, ce sont des horloges biologiques qui nous tripotent, nous font déplacer d'un chronotope adapté à leur horloge, d'un chronotope à un autre. Sauf que l'être humain peut arrêter complètement ça. Ça veut dire que la conscience qui pense qu'elle est toujours dans le même corps n'est pas toujours dans le même corps. Non, on n'est jamais dans le même corps. C'est d'ailleurs ce qui nous permet, un, de bouger physiquement, deux, d'avancer à travers le continuum, donc d'avancer à travers le temps. Mais comment on peut avoir des faiblesses héréditaires? Les faiblesses héréditaires, c'est parce que ton corps physique est bâti d'une certaine façon, puis tes faiblesses héréditaires, est-ce qu'elles vont apparaître? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend juste du chronotype dans lequel tu te trouves. Non, mais ça s'explique aussi par le mot crone. L'homochrone. S'il y a juste une modification légère dans... Non, mais ça veut dire ça que j'ai pas le... Même la personne qui est dans un homochrone n'a pas le même corps, mais à un moment donné, elle induit à son corps d'avoir... Non, absolument pas. Toi, tu glisses dans le corps qui est malade. Mais c'est ça, mais elle va choisir un corps qui a le même temps que sa famille. Oui, eh bien, c'est évident. C'est-à-dire qu'elle aurait vraiment... Là, ça plaît aux gens. Les réincarnations font ça. Quand les parents veulent se réincarner chez leurs enfants, ils s'arrangent pour amener leurs enfants à avoir un corps le plus correspondant à celui du parent. Et c'est ce qui, normalement, va faire en sorte que, progressivement, en glissant inconsciemment, tu vas finir par avoir les mêmes maladies que ton père ou ta mère avait. D'ailleurs, tu vas même avoir les mêmes habitudes qu'eux autres et, finalement, les mêmes façons de parler, les mêmes façons de tenir qu'eux autres. Mais ça, on parle donc d'homochrone. Et quand l'humain va comprendre qu'effectivement, le temps, c'est quelque chose qui est infini, sur tous les azimuts en même temps, donc je peux... Il existe une infinité de présents actuels au milliardième de seconde, là, et instantanément présent. Infinité. Mais il existe aussi une infinité de futur, une infinité de passé, et on peut voyager de paquet d'autres façons. Bon, et ça fait en sorte que là, l'humain qui voyage, qui contrôle le phénomène temporel, au départ qu'il le comprend, va, un, cesser carrément de vieillir, parce qu'il va simplement glisser latéralement à travers les corps physiques qui ont le même âge, donc au lieu d'avancer. Et il y a des corps physiques qui ont le même âge qui progressent dans un néochrone, dans un temps futur. Et tu ne vieillis pas physiquement, parce qu'au lieu de glisser à travers un corps qui vieillit, de suivre le corps au niveau de ta conscience qui, lui, traverse le temps, tu vas procéder par un autre chemin. Et il y a énormément d'autres chemins. Oui, mais si on procède par un autre chemin, est-ce qu'on va être encore dans le déroulement du temps? Tu es toujours dans le déroulement du temps, mais dans le déroulement du temps en fonction de ce que tu veux faire. Bon, on prend un exemple. Le temps psychologique. Vous assistez à quelque chose, puis ça passe lentement. Maudit que c'est long. Pourtant, la montre, elle indique la même heure que tous les autres. Puis s'il y a un imbécile dans la salle qui trouve que le temps passe vite parce que c'est intéressant, bien, ça se trouve que votre heure suit son heure. Oui, c'est ça. Mmh? Mais l'être humain ne vit pas le temps d'une façon linéaire. Il vit le temps d'une façon quantique. Il est là, pouf, il est là, pouf, il est là, pouf, il est là, pouf, il est là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi, je me déplace, dans une courbure temporelle, donc je prends des corps et je me déplace là-dedans, et mon temps